ne veulent pas. Et les juges qui les appliquent se prennent pour les rois. Les avocats, juge, ministre et président, car nous on ne pense pas comme eux, et ça c'est plutôt gênant. Le gouvernement instaure des lois que toi tu ne veux pas, et les juges qui les appliquent se prennent.